Un panneau de stationnement, dès l'instant où il s'inscrit dans un carré, concerne toute une zone de l'agglomération. Ici, il s'agit d'une zone de stationnement unilatérale à alternance semi-mensuelle. Nous sommes le 21 du mois, deuxième quinzaine du mois, donc je stationne du côté des habitations ayant des numéros pairs. Ce symbole est celui d'un disque de stationnement que je dois mettre contre le pare-brise. Le stationnement est gratuit et d'une durée limitée à 20 minutes dans ce cas. Réponse A et C.